la foi en Jésus-Christ. C'est régler ta vie dans la joie. Oublions nos mœurs passées, donnons-nous la main dans la joie. Yeah.